Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission de jeu encore aujourd'hui à Puissance Maximale en compagnie de monsieur Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour monsieur Michaud. Comment ça va? Ça va, on a réglé un petit problème de son, on n'avait pas de musique. On est de retour, mais on a réussi à tout régler ça, oui, heureusement. Et là, on va vive. Et là, on va vous parler de plein de choses encore aujourd'hui, mais entre autres, on va faire plaisir à madame Chantal Campagna, notre collaboratrice au jeu, parce qu'on va parler d'un jeu qu'elle aime beaucoup. On va parler du jeu Zombicide, ici même, à Puissance Maximale, un jeu que tu possèdes maintenant, Andrew, auquel on a pu jouer tous les deux, et toi un peu plus, fait que ça va surtout être toi qui m'en parler, mais on va vous parler de ça un peu plus tard. Je vais te dire à quel point tu es un joueur solo et que tu dis que tu pognes une tronçonneuse, ton sens logique disparaît complètement. Tout à fait. Et de mon côté, je vais vous parler d'un jeu MMORPG. Et oui, Michael Michaud vous parlera d'un MMORPG qui se nomme Dungeons & Dragons Neverwinter, qui est à son bêta. On va vous parler de ça un peu plus tard dans l'émission. Rapidement, je vous rappelle que mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là. Et je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est tout d'abord un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et lire les nouvelles qu'on y poste. Vous pouvez également passer par le Facebook de Puissance Maximale, où vous inscrivez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le petit bouton j'aime. On a atteint le 200 personnes qui nous aiment. Attends, je vais aller voir, on est rendu à combien? On est à 202. 202 personnes qui nous aiment. On en veut encore plus, mesdames et messieurs, mais on est content. Vous savez, le chiffre magique de notre page Facebook, t'es comme exemple une station de radio. Normalement, c'est le nombre d'auditeurs équivalent à le chiffre de l'antenne. Comme exemple, 88.3, c'est 883. Ben, nous autres, c'est puissance maximale, fait que va falloir atteindre le compteur max. Et voilà. C'est-à-dire, il faut atteindre le maximum que Facebook peut afficher. Et voilà. Et ça va être notre chiffre magique. Rien de moins. Donc, allez appuyer sur le petit bouton j'aime, parce qu'en plus de nous aimer de cette façon-là et de recevoir en retour notre amour, vous allez aussi avoir les dernières nouvelles de l'émission plus rapidement que jamais grâce à Facebook. Et voilà, tout simplement. Et on va commencer en musique comme à l'habitude cette semaine avec un petit spécial, parce que la semaine dernière, moi et Andrew, on est allés voir un show du groupe Z et ses disciples, que vous avez déjà entendu à l'émission, parce qu'ils ont fait une chanson. Un hommage à Puissance Maximale, qui s'appelle Puissance Maximale, tout simplement. Ils nous l'ont fait pendant le show. Et ils n'étaient pas supposés de le faire, mais on était là, soit qu'ils ont fait un spécial. On est allé voir ça à la librairie Saint-Jean-Baptiste, sur Saint-Jean. C'est tout petit, mais écoutez, c'était vraiment un show. C'était intime. Ouais, mais les gars étaient malades. Sans faire, ils donnent un excellent show. Ils font dans la chanson philosophique, grivoise. Alcoolique, vulgaire un peu, et voilà, c'est un peu rock, c'est un peu reggae aussi des fois, bref, un beau florilège musical, et on va vous envoyer que des tunes de Z et ses disciples aujourd'hui à Puissance Maximale. Pour vous les faire découvrir, oui. Question que vous les aimez. Voilà, et autant que nous, on les aime. Puis vous pouvez aller vous procurer leur album sur leur site internet, vous tapez Z et ses disciples dans Google, vous allez trouver ça. Et devinez quoi? C'est gratuit. Oui, ben vous pouvez toujours faire un don. Ben c'est ça, on vous recommande de le faire. Oui, parce que les gars sont vraiment le fun. C'était leur premier show dans la région de Québec et on va espérer qu'ils vont revenir pour pouvoir faire découvrir leur musique. Mais on vous encourage bien évidemment à faire un don. Et la première chanson qu'on va l'entendre de Zed et ses disciples, c'est la chanson Pyromane. Donc vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Dans le fond de mes culottes et ça me démanche. J'ai une allumette dans le fond de mes culottes et ça me démanche. J'ai juste envie d'agratter sur tes hanches pour qu'elle allume un feu entre tes branches. Toi qui t'es déjà humé que t'es d'essence, ça peut nous mettre à d'un état de transcendance. J'ai une allumette qui brûle mes culottes et ça me dérange. J'ai une allumette qui brûle mes culottes et ça me dérange. De ne pas faire profiter de mon feu au bel ange, celle qui me regarde avec ses belles phalanges, qui tient tendrement les objets qu'elle mange. Et je garde seul ce feu qui me dérange. J'ai une allumette allumée sur les miettes d'une vidange. J'ai une allumette allumée sur les miettes d'une vidange. J'ai juste envie d'en vivre un beau dimanche et de rallumer le feu dans la vieille grange. Tu me dis de faire attention car sous visage d'ange se cache la déesse du feu en puissance. J'ai une allumette qui consomme d'une vitesse fulgurante. J'ai une allumette qui consomme d'une vitesse fulgurante. De l'énergie vitale que j'ai dans le ventre, je pourrais même plus me tenir debout sur mes jambes. T'es encore la plus belle et la plus ravissante. Je suis un éclopé brûlé de visance. Je suis un grand brûlé à tendance pyromane si cela vous enchante. Je suis un grand brûlé à tendance pyromane si cela vous enchante. D'avoir un éclopé qui brûle avec essence, toute l'énergie vitale qu'il a dans le ventre, pour le donner à la puissance des anges, et qui repartent dans le ciel tel une mésange. J'ai une allumette qui consomme les miettes de mes phalanges. J'ai une allumette qui consomme les miettes de mes phalanges. Ne vais-je donc jamais encore me dompter? Je me suis encore brûlé au troisième degré, mais des feux, je continuerai d'en allumer aussi longtemps que j'aurai une allumette dans mes bobettes. I'm Draken, also Alexander. I'm Dual Ryan, also Ryan Roth. We made Starseed Pilgrim. And you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après une chanson de Zed et ses disciples qui s'appelait Pyromane. On vous rappelle que ce sera des chansons de ce merveilleux groupe Saglac. Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout au long de l'émission. Et M. Castagnan, on va débuter nos critiques de cette semaine avec le jeu de plateau Zombicide. Donc, à toi la parole. Oui, Zombicide, jeu de plateau coopératif qui a été sorti par le studio Guillotine Games, si je me trompe pas. Oui, non, je réfléchissais, j'avais le logo en tête, j'étais pas sûr, mais c'est Guillotine Game, jeu où dans le fond vous pouvez jouer en coop avec vos amis, seul, mettons que vous avez pas d'amis, jusqu'à 6 joueurs. Dans le fond, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes, vous contrôlez un nombre X, Y ou Z de survivants et vous devez réaliser des missions à travers divers scénarios offerts dans le jeu. Par exemple, si on est 3 joueurs, on contrôle 2 survivants chaque. Exactement. Mon Dieu. Mais si vous vous posez la question, ouais, mais si on est 4, ben ça, vous êtes vraiment dans la merde. Ben, c'est la façon la plus difficile de jouer parce que vous avez juste 4 survivants au lieu de 6. Fait que c'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'est dépendamment de la quantité que vous êtes. Ben, dans le fond, vous jouez un nombre de survivants puis vous adaptez le scénario en conséquence du nombre de survivants que vous êtes. Et là, bien évidemment, on parle de zombicide, donc de zombies, de survivants, donc de survie. Donc le contexte du jeu, c'est qu'on incarne des survivants, des personnages. L'histoire, c'est drôle de lire un peu le genre de perso que c'est, mais selon divers scénarios qu'on va retrouver dans la boîte, on va faire certains petits trucs pour survivre. Donc par exemple, une partie qu'on a joué, moi et Andrew, il fallait chercher de la nourriture à une place, ça fait qu'il fallait trouver la clé pour aller à cet endroit-là tout en évitant, tuant des zombies. Mais ce n'est pas si facile que ça, Andrew, parce que, et j'en suis un excellent exemple, c'est pas parce qu'on tue tout plein de zombies que tout va bien. Non, effectivement. En fait, le jeu, premièrement, c'est que chacun des survivants ont un peu leur expérience. Expérience qui augmente en tuant des zombies. Et plus qu'on prend d'expérience, plus qu'on augmente la zone de danger. Et plus que la zone de danger augmente, plus qu'il y a de zombies qui risquent d'apparaître sur le plateau de jeu. Donc, il faut vraiment s'arranger pour faire la gestion de l'équipe. Il est permis dans le jeu de discuter entre nous. Il n'y a pas un temps limite pour jouer un tour. Si ça prend 20 minutes pour élucider un round, ben... pour se dire, 20 minutes, là. C'est ça, pour se décider quand, qui est-ce qui va faire quoi de telle manière. Pour éviter des scénarios comme qu'est-ce qu'on a vécu. Oui. Qui, exemple, des gens qui sont au niveau de difficulté, au niveau d'expérience bleue. Donc, moins. Parce que, chose à savoir, en fait, c'est que plus que vous gagnez d'expérience, plus que vous avez de compétences. Donc, ça fait en sorte que plus que vous avez de compétences, plus que votre personnage devient fort et plus que de facultés. Mais le niveau de difficulté du jeu augmente en conséquence aussi. Il augmente assez drastiquement, en fait. C'est ça. Donc, si, exemple, vous montez au niveau orange, qui est comme le deuxième niveau le plus dur avant la fin, ben, puis que vous avez encore des survivants qui sont dans la zone bleue, qui est comme l'équivalent de niveau 1, ben, il y a des bonnes chances qu'ils survivent pour. Ouais, mais en fait, quand on a joué, nous, moi, c'est ça, c'est parce que, il faut dire, j'ai pas fait par exprès non plus, il faut dire qu'on était dans une situation où on était entouré. J'ai ramassé l'arme la plus forte du jeu Après ton premier ou deuxième tour. Puis là, ben, quand je suis arrivé, ben, on est entouré, j'ai attaqué sans vraiment regarder mes affaires. Puis là, ben, à cause de ça, j'ai monté rapidement de niveau. Et là, bon, en un tour, on s'est fait submerger de partout par des zombies. Et il n'y a pas juste des zombies, il y a des zombies spéciaux aussi. Et là, on a été, on s'est fait... C'est ça, ça cause quelque chose à savoir, c'est qu'il y a différents types de zombies. Vous avez les walkers, qui sont les zombies réguliers, là, dans le fond, qui marchent lentement. Et après ça, vous avez les runners, c'est comme des zombies qui courent, un peu comme à la... 28 jours plus tard. 28 jours plus tard et World War Z, si vous avez vu le film. Et vous avez, dans le fond, pas les brutes, mais vous avez des genres de gros que je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais dans le fond c'est des gros zombies. Eux, ils sont plus durs à tuer, ils viennent accompagnés de deux walkers quand ils apparaissent. Et vous avez l'abomination, que elle, c'est comme un peu l'équivalent du tank si vous avez joué à Left 4 Dead. Ben, on a pogné en début de partie, nous. C'est ça, quand on le pogne en début de partie, il est tuable. En fait, c'est que l'affaire qui arrive, c'est que les armes font un nombre de dégâts. Et mettons, exemple, que vous battez contre un walker, ben, faut que vous réussissiez votre jet dé pour y faire minimum un de dégâts pour le tuer. En fait, c'est pas mal pareil pour n'importe quel zombie, à l'exception du gros et du, de l'abomination. Le gros, ça prend deux pour le tuer et l'abomination, c'est trois, si je me rappelle bien. Puis, ça cause qu'il y a pas tant d'armes que ça, en fait, qui font plus qu'un de dégâts. La différence, c'est que les armes vont avoir plus de jets de dés, puis ça va être plus facile de faire en sorte que le dé touche. Donc, c'est pour ça que dans le cas de Mike, Kevin Chainsaw, ben lui, c'est des dés qu'il fallait qu'il aille, je pense que c'était 4 ou 5 et plus, je pense. 5 et plus, 5 mais j'avais et comme plus. 3 dés à lancer. Non, c'est plus que ça. Plus que ça. La Chainsaw, je pense que c'est une affaire comme 6D, là. C'est juste complètement abusif. Bref, c'est très fort. C'est exactement. Puis, donc, dans le fond, Mike va une Chainsaw, puis il y a une abomination qui apparaît. Puis en plus, l'abomination donne beaucoup plus d'XP que les autres zombies. Ce qui explique ma montée en flèche. Exactement. Et aussi, en même temps, il y a des objectifs, dans certains cas, ou des X sur la carte qu'on doit aller. Et quand on va chercher ces X-là, ben, ça donne 5 points d'expérience au joueur qui va ramasser l'objectif en question. Donc, tu sais, il y a tous ces petits éléments-là qu'il faut comme calculer un peu, puis faire, OK, qu'est-ce qui va aller chercher l'objectif de telle façon, s'il y a un gros monstre? Est-ce qu'on s'enfuit, de quelle manière on le fait, ou on l'affronte, dépendant de la situation? Il y a beaucoup de stratégies dans le jeu, là. Exactement. Donc, tu sais, il faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment bien gérer ça. Et je vous dirais qu'aussi, ça dépend des scénarios, parce qu'il y a des scénarios qui sont beaucoup plus durs que d'autres. Mais comme il y en a où c'est juste un scénario de fuite, et tu sais, mettons, se rendre d'un point A à un point B en ramassant un objectif sur la route, ben généralement, ces missions-là sont pas très, très difficiles, parce que le piège dans ces missions-là, c'est de fouiller les bâtiments, qu'est-ce qui fait apparaître des zombies, et faire en sorte que là, on se fait vite submerger, mais ça, on se tient sorti, ça se fait très bien. Mais non, ça dépend vraiment des missions, puis il y en a qui sont vraiment très difficiles, comme celle-là qu'on a faite ensemble, Michael. Encore à ce jour, Je l'ai jamais réussi. OK. Mais c'est ça, c'est un jeu coopératif, donc il faut que tout le monde s'entende. Faut pas avoir de tête brûlée dans notre équipe. Mais lui, il y a quand même beaucoup de scénarios. Puis en plus, on peut aller chercher des scénarios sur Internet. Il y en a en vente. Il y a des suppléments. Toi, t'as racheté, je pense, t'as racheté des boîtes de zombies parce qu'il faut dire que quand le jeu nous demande de mettre des zombies normaux, si on en a plus dans notre caisse de zombies, ben il faut mettre des spéciaux. Là, ça devient juste assez fou. Ça fait qu'ils vendent quand même des suppléments comme des zombies supplémentaires. En fait, il y a un piège avec ça. C'est que le principe, c'est que si, exemple, vous devez faire popper des walkers ou des zombies spéciaux, puis vous en avez plus, ben c'est que ça les réactive. Donc, ils ont droit à une autre action pour avancer et venir vous tuer. Et ça s'applique pour toutes les sortes de zombies. Sauf que si vous rachetez une boîte, comme exemple Walk of the Dead, ça rajoute des cartes. Des cartes qui en fait popper plus. Donc, même si vous rachetez des boîtes Walk of the Dead et tout ça, ben vous vous retrouvez dans une boucle sans fin parce que vous allez avoir des cartes qui en fait apparaître plus. Fait que mais c'est quand même le fun parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de zombies sur la carte. C'est quand même. Puis il faut dire que c'est de la qualité, là. On a un beau board de qualité qui a l'air quand même assez résistant. Puis aussi des belles figurines. Puis il y en a maudit des figurines. Oui, effectivement, il y en a. J'ai pas le Ah, je pense que je peux l'avoir. Je vais vous sortir le nombre exact de figurines. Parce que pour le. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Le jeu coûte à peu près 100$. Si de mémoire, c'est 99 et 95, justement, c'est 100$, on l'arrondit. Faut le dire, c'est ça, c'est quand même assez cher à l'achat, mais moi, je peux vous dire que c'est. Puis, dans c'est le fond. Du plaisir garanti. C'est ça, dans le fond, vous avez 71 figurines à l'échelle d'à peu près 32 mm, donc dans le fond, c'est des 32 mm de haut. Ça fait penser un peu, là, pour ceux qui jouent à des jeux de rôle, là, ça, à peu près format miniature, là, de personnages médium là, dans un jeu de rôle. Là. Si vous jouez un humain, là, ça va à peu près la même grosseur qu'une miniature de Donjon Dragon. C'est ça. Puis, dans le fond, dans les miniatures, vous avez dans le fond 6 survivants. Donc, dans le fond, les 6 survivants qui sont de couleur pour faciliter la distinction avec les zombies, à l'exception de un qui est de la même couleur que les zombies. Fait qu'on n'arrête pas de le chercher puis de le confondre. Et 40 walkers, 16 runners, 8 fatties. C'est des fatties, les héros. Et une abomination. Et ça, en plus, ça vient avec 9 dalles recto-verso. Donc, dans le fond, le jeu, c'est que vous le construisez. C'est comme des pièces de puzzle. Puis, mettons, vous avez un numéro 7D, 2B, puis des affaires comme ça. Puis, quand vous prenez le scénario, ben ça dit, exemple, ben ça vous prend telle tuile, puis vous avez le dessin, justement, pour placer ça sur le jeu. Puis en plus, le scénario, comme je disais, vous faire, je pense qu'il y en a en vente, mais il y en a surtout aussi gratuit sur Internet, puis il y en a que... En fait, les missions sont toutes gratuites. Sont toutes gratuites. C'est les suppléments matériels là, que vous allez pouvoir vous racheter, mais les missions gratuites, puis il y en a, je crois qu'il y a quand même une communauté de joueurs qui en font des missions. Oui, j'ai vu des cartes de personnages pour jouer à Zombicide Batman. Oui. Donc, si ça vous tente de jouer le justicier et tout, ben... On peut parler quasiment de modage, comme on parle de mode pour Skyrim. C'est quasiment... On peut développer ça aussi pour ce jeu-là. Exactement. En fait, si vous allez sur le site de Zombicide, en fait le site Guillotine Game, quand vous allez dans le support, vous avez aide au jeu, puis dans le fond, c'est là que vous trouvez toutes les missions gratuites et les erratums avaient qu'il y a eu des erreurs sur l'édition du jeu que vous avez acheté pour pouvoir voir l'annexe qui vous permet de corriger la règle, et aussi en même temps des cartons vierges, avant que vous voulez aller vous faire imprimer ça, puis vous faire vos propres personnages, et il y a un générateur de cartes pour pouvoir faire des scénarios. Donc dans le fond, vous pouvez créer vous-même votre propre scénario, mettre vos objectifs et tout, et imprimer ça sur papier et vous faire un beau petit PDF avec ça. Et là, c'est que là, on a un jeu assez complet de base, mais là, avec le pas nécessairement obligé de faire des rachats en plus, ben on a un jeu qui a vraiment une grande, grande valeur de rejouabilité. Exactement. Puis en plus, le Zombicide ont fait un autre Kickstarter. Premièrement, Zombicide, ça a été financé par un crowdfunding, un Kickstarter, en fait. Et ils ont fait un autre Kickstarter pour financer 2 expansions pour Zombicide. On parle de Toxic City Mall qui va rajouter 4 nouveaux héros à Zombicide avec leurs propres facultés. Est-ce que ce serait des héros qu'on peut jouer en plus? Donc, on pourrait jouer à 10? J'ai pas l'information en avant de moi, mais je présume que oui, parce que dans le fond, faut prendre en considération que vous avez les 9 tuiles recto-verso de Zombicide qui vient avec le jeu. Vous pouvez racheter un autre pack de 9 tuiles pour faire des cartes encore plus grandes, et avec le mail, vous avez 4 dalles supplémentaires pour vous faire un centre d'achat dans la ville, et il y a des nouveaux zombies spéciaux Et vous avez l'autre expansion qui ont extension, excusez, qui sont en train de faire, c'est Prison Outbreak. Que celle-là, ils appellent ça Zombicide saison 2 parce que lui, c'est un standalone. Donc, si vous n'avez pas Zombicide 1, vous pouvez acheter uniquement celui-là si vous voulez. Qui se passe en prison, si j'ai bien compris. Qui se passe en prison, où vous avez encore une fois 6 nouveaux héros. Et en fait, lui, il tout le stock que je vous ai énuméré tantôt, là, à peu près, là, c'est tout ça à peu près dans ce jeu-là, sauf que là, il y a 90 figurines au lieu de 71, là, comme j'avais mentionné, des nouveaux zombies, des nouveaux pouvoirs, des tout ça. Mais lui, il peut être aussi intégré à la saison 1 comme une extension. Donc, imaginez... Je suis pas sûr qu'il existe une table assez grande. Non, c'est ça, parce que ça prend quand même pas mal de place. Ben, comme les bons jeux de plateau, habituellement, ça prend quand même assez pas mal de place sur une table. Là. Mais, Andrew, pour ce jeu-là, c'est parce que l'émission avance, il va falloir en arriver à la fin, malheureusement. Non, plus de zombies. Il faut dire que Kickstarter aussi, la gang de Guillotine Game, dans ce qu'on peut, disons, quand on va donner de l'argent pour le projet, il y a des niveaux de dons où on peut avoir des trucs exclusifs, et c'est des trucs exclusifs qui seront pas disponibles plus tard à des joueurs... Non, c'est... Ça, c'est vraiment bien. Guillotine Game ont été stricts là-dessus, ils ont dit... Qu'est-ce qu'on donne d'exclusif à aux gens qui font le crowdfunding sont exclusifs. Donc, on le fera pas plus tard pour les autres. Les personnages, vous pouvez les télécharger sur Internet quand même. Ils ont fait un personnage qui ressemble à Machete. Vous pouvez le télécharger si vous voulez, mais vous aurez jamais la petite figurine qu'ils ont faite pour le Kickstarter. Mais t'sais, ils mettent la ressource disponible en ligne. Mais vous pourrez jamais avoir le bien matériel qui a été fait au niveau de Kickstarter. Donc, on les aime, les gens de Guillotine Game. Donc, pour ce... Ben, ça dépend du point de vue. Ouais, ben il y en a qui... Les gens qui ont participé au Kickstarter les aiment, les gens qui n'ont pas participé au Kickstarter les aiment pas. Ben moi, j'ai pas participé au Kickstarter, puis je trouve que c'est bien, moi, de récompenser les ben gens. Ben oui, non, moi je suis parfaitement à vie du même avec toi, c'est juste que je te faisais... ben c'est pour ça que je nous, te témoignais de l'ambiance sur les forums. C'est pour ça que nous, on les aime, à puissance maximale. Donc, évidemment, avec une telle affirmation, on doit s'attendre à une grosse note de la part de M. Castegan. Donc, combien de cerveaux sur 10 donnes-tu à Zombicide? 9.9. Oh! C'est juste pour dire que tu donnes pas 10 sur 10. Le point 1, c'est juste parce que c'est vraiment chiant à ramasser. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Faut faire attention pour pas perdre ses affaires. Ben, c'est à cause que la boîte est super bien pensée, là. Elle est super bien pensée pour re-rentrer les... C'est une bonne boîte de jeu ou une bonne boîte, aussi, tout ça. Puis, il y a toutes des petites boîtes avec des petits racks en plastique. C'est juste que la seule bémol que je donne, c'est juste les petits racks en plastique dans lesquels on met les figurines. Pourquoi les avoir faites pour que la figurine unique fit dedans? Ça, vous auriez pas pu faire des choses un petit peu plus gros pour que peu importe la figurine qu'on mette dedans, ça marche. Ouais, parce que le runner, ça. Il rentre pas dans la case du walker, puis ça ressemble, c'est vraiment long à ramasser. Écoute, je dois... Mais même les walkers, entre eux autres, il y a des walkers qui ont des différentes positions, puis ils vont faire dans un trou, mais pas dans d'autres. Mais des fois, il y en a qui sont pas supposés de faire dans un trou, mais ils font dedans. Fait qu'on les place toutes, puis après ça, on se ramasse avec 5 figurines qu'on sait pas où est-ce qu'ils vont, parce qu'ils rentrent pas dans un trou. C'est ça, c'est vraiment la seule bémol. Mais c'est pour ça, ça vaut pas assez pour faire enlever un point à un jeu. Là. Donc, c'est point 1. Écoutez, parce que généralement, en tant que joueur, le monde sont supposés nous aider à ramasser. Oui, habituellement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Oui, je sais. Malgré le fait que c'est moi qui ai fait perdre la partie, mais bon. J'aurais pu aller pleurer tout seul dans le bain chez Julien, tranquille. Mais non, j'ai assumé le fait. On peut enchaîner. Donc, 9.9 cerveaux sur 10 de la part de M. Castegan pour Zombicide. Allez chercher ça dans vos magasins préférés de jeux dans la grande région de Québec ou ailleurs. Et c'est aussi, en plus, une grande recommandation de notre Chantal National de distribution d'eau, qui nous en parle souvent. Donc, allez vous chercher ça en magasin. C'est sûr que c'est $100, mais très bien investi. C'est un très, très bon investissement côté ludique. Et on continue en musique, M. Castegan, toujours avec Z et ses disciples, avec la chanson Caillou. Exactement. Donc, Caillou, qui va lui parler du personnage légendaire de dessin animé et de livre pour enfants. Je vois pas où la légende, là, mais bon, c'est correct. Vous allez voir, il a quand même assez mal tourné. Vous allez entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Quand j'étais jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes toutous toutous. Tes toutous toutous. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu skinhead. Pas un seul poil sur le caillou, non. Il fait des graffitis avec ses crayons de couleur. Il écrit même l'alphabet, pas le bois d'un cercle. Il pose ses questions naïves aux gens. Excusez, auriez-vous un peu d'argent? Les gens sont tellement habitués de le voir qu'elle dit que quand elle boit un café dans la rue, ben d'à côté de mon lui lance des scènes dans sa tasse de café. Ben on voit qu'on te chanceux, t'aurais un peu d'argent. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Caché jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes tout-tout-tout-tout. Tes tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu ce qu'il est. Pas un seul poids sur le caillou, non? Il boit sa bière comme un biberon. Son meilleur ami de compagnie se nomme Gilbert, mais ce n'est pas un chat, c'est un Rottweiler qui ne fait pas de câlin. Aujourd'hui à la maison, c'était plus toi le grand garçon parce que t'as plus maison. Même si tu es grand, tu pleures quand même de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Caché jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes tout-tout-tout-doux. Tes tout-tout-tout-doux-tout-doux-doux. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu ce qu'il est. Pas un seul point sur le caillou, non? Tu aimes tout toucher et tout essayer. Tu as du plaisir, tu n'as peur de rien. Mais apprends à t'arrêter, car tes parents sont loin. Chaque journée est une nouvelle aventure. Chaque journée est une nouvelle injure. Mais fais attention à toi, caillou, parce que je voudrais pas te perdre. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Quand j'étais jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes tout-tout-tout-doux. Tes tout-tout-tout-tout-tout-tout-doux. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu skinhead. Hey, I'm Bro Jared, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Caillou de Z et ses disciples. Et c'est à mon tour de vous parler, mesdames et messieurs. Je vais vous parler d'un MMORPG pour PC. Ça s'appelle Dungeons & Dragons Neverwinter. Et non, ça n'a aucun lien avec l'ancienne série, l'ancienne franchise de jeux RPG développée par la gang de... Le nom m'échappe là, complètement. Je trouve ça niaiseux. Là. Pas Obsidian. La même gang qui fait finalement Star Wars Old Republic. Là, c'est vraiment niaiseux. Je connais ce studio-là, je reste sur le bout de la langue. BioWare? Voilà, donc BioWare qui avait fait la série Neverwinter Nights. Et non, malheureusement, ce n'est pas dans cette longue série de grands succès. C'est Cryptic Studios qui a sorti ça. En fait, c'est en bêta ouvert depuis le mois de juin dernier, fin juin. C'était en bêta fermé pendant le printemps. Mais là, c'est ouvert à tous et à toutes depuis déjà quasiment 2 mois. Et écoutez, je peux vous dire que c'est un jeu, tout d'abord, une grande qualité de ces MMO-là. Il est gratuit. Gratuit au download et gratuit par mois. Donc, pas besoin de vider ses poches à tous les mois pour y jouer. C'est sûr et certain que avec ce genre de jeu-là, on retrouve les fameuses micro-transactions où on doit, pas obligatoirement, bien évidemment, mais on peut, avec de l'argent réel, donc avec vos sous que vous gagnez à la soirée de votre fond, vous payer des équipements spéciaux qui sont pas disponibles pour les gens qui jouent seulement la version gratuite, et aussi d'aller vous chercher des types de monnaies spéciales qui vous permettent d'acheter de l'équipement spécial en jeu. Donc il y a toujours cette possibilité là avec Neverwinter. Écoutez, j'ai joué quelques heures quand même, tout d'abord solo pour le tester, parce que j'ai un de mes amis avec qui on joue à Pathfinder, en fait notre maître de jeu, qui me dit qu'il joue avec son frère à l'occasion, puis il me dit que ce serait le fun que j'y participe. Et moi, n'étant pas un grand fan d'un MMORPG, je me suis dit pourquoi pas réessayer ça? Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Écoutez, ça reconfirme un peu mon côté. Le fait que j'aime le genre de jeu médiéval, fantastique et tout. La seule chose, c'est que encore une fois, on a un MMO, RPG. Écoutez, c'est sûr que c'est axé vers le multiplayer, donc c'est un peu niaiseux de dire ça, mais c'est vraiment moins intéressant côté single player, donc à jouer seul. C'est beaucoup moins intéressant. Il y a quand même une histoire. Qu'on suit quand même une quête, une histoire à travers ça. Donc on arrive et il y a une reine mort-vivante qui attaque avec une dracoliche la ville de Neverwinter. Et là, les héros qui se trouvent dans la ville et tout autour doivent combattre cette menace. Et là, on a accès à plein de villes. Parce que Neverwinter, on vous rappelle, ça se situe dans le monde de Forgotten Realm, un des nombreux mondes de l'univers de Donjons et Dragons. Donc, ça se situe dans cette ville-là. Mais on peut aller se promener dans différents quartiers de cette grande ville. Et on suit finalement toute cette histoire-là à travers notre avancement. avancement dans le jeu. C'est assez classique. Je voudrais vous dire, par exemple, que les contrôles sont vraiment intéressants. Les contrôles sont beaux, c'est très, très, très instinctif et c'est très basé sur l'action. Donc, c'est pas un MMORPG où on y va par tour, on clique, je vise, attaque. En tout cas, pour les combattants, moi, j'ai fait un combattant, ce qu'on appelle un Great Weapon Fighter, donc bonhomme qui se bat avec une arme à deux mains, un demi-orc, parce que là, on est dans l'univers de Donjons Dragons, donc c'est assez classique. C'est basé sur les règles de la quatrième édition de Donjons Dragons, donc c'est sûr que moi, j'aime moins ça, parce que j'ai un gros faible pour Pathfinder, mais quand même, ça passe numéro un, parce qu'il faut se rappeler que c'est une des critiques qui avait été ressortie sur la quatrième édition de Donjons Dragons, c'est que ça faisait beaucoup penser à un MMORPG, à un jeu vidéo, donc ça s'insère très bien dans ce cadre-là. C'est la preuve vivante, dans le fond. Ouais, tout à fait. Il y a quand même quelques modifications. Mais pour ceux qui ont aussi joué, on a parlé il y a quelques mois de cela, d'un jeu qui s'appelle Wrath of Ashardalon, qui est un jeu de plateau, Donjons et Dragons, que j'ai joué justement encore avec notre ami Frédéric Marquis. Vous faites toujours ça quand je ne suis pas là. Ah, mais c'est justement parce que tu n'étais pas là qu'on a joué à ça, au lieu de jouer à Pathfinder. Ouais, mais pourquoi on ne le fait pas quand toi, tu n'es pas là? Parce que je suis toujours là, moi. Donc, c'est ça. Il y a comme des éléments de jeu-là qui ont été repris pour le MMORPG. Donc, ceux qui ont joué au jeu de plateau, on voit quand même certaines règles qui ont été reprises pour le MMORPG. Donc, il y a cinq classes. Vous avez le Great Weapon Fighter, le Guardian Fighter, qui est épée bouclier. Vous avez le Trickster Rogue. Vous avez le Control Wizard et le Devoted Cleric. Donc, deux types de fighters. Vous allez avoir un rogue qui est quand même assez fighter, qui pratique parce qu'il désamorce des pièges et il a la capacité d'ouvrir certains trucs pour les voleurs. Sinon, vous avez le cléric, qui est pas un cléric type à la Donjon Dragon qu'on connaît. Moi, mon ami, justement, Frédéric, là, s'est fait un nain prêtre, mais c'est pas un nain prêtre comme dans Donjon Dragon, dans Pathfinder. Souvent, l'archétype qu'on voit en full pet avec un bouclier puis un gros marteau, puis on rentre dans le temps, on fait des sorts, on guérit. Non, c'est vraiment plus un lit symbole, des attaques à distance. Ça fait bizarre un peu de voir ça, mais ça fait quand même la job, là. Du côté magicien, je sais pas du tout. J'ai pas vu aller personne encore avec un magicien, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant à jouer. Côté fighter, ben, on est dans l'action, donc les contrôles, c'est rapide, c'est instinctif. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Contrairement, j'avais aussi testé, mais je pense pas faire une critique de ça à l'émission, j'avais aussi testé Old Republic, qui est devenu gratuit. Les contrôles, là, je déteste ça. C'est vraiment pas... En plus, on fait des fighters souvent. Je me suis fait un site Warrior, rentre dans le tas, piding badang. Pas si évident que ça. Je trouve que dans Neverwinter, les contrôles beaucoup plus instinctifs, ça va mieux pour le combat. Ben, premièrement, c'est avoir le. Je ne l'ai pas essayé, là, avoir le contrôle quand tu jouais, ça a l'air de plus aller vers un MMORPG, mais plus ARPG, t'es genre action RPG. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, Neverwinter fait beaucoup plus penser à ça. Mais je trouve en tout cas que c'est beaucoup plus dynamique, moins chiant un peu que ça, beaucoup d'un MMORPG qu'on est resté dans le classique, là. Ça va plus vite un peu, puis ils ont dû s'inspirer là du. Voyons, j'avais fait une critique ici de ce jeu-là, Terra. Oui. Ils ont dû s'inspirer de Terra. Donc, on est là-dedans, côté contrôle. Pour les graphiques, écoutez, il faut jamais s'attendre à grand-chose pour les graphiques, habituellement, pour un MMO, parce qu'on est dans un jeu massivement en multijoueur. Donc, il faut que la plupart des machines puissent le jouer. Puis en plus, ben c'est des serveurs à l'extérieur et nos fameuses bandes passantes qui gèrent une partie de l'information. Ça fait qu'on peut pas avoir des jeux, justement, à la Skyrim, avec des graphiques à la Skyrim, pour nous envoyer ça en mode multijoueur massivement, là, ça marchera pas. Donc, c'est pas si mal. Écoute, Andrew, t'étais là pendant que j'ai joué, je t'ai montré ça un peu à la maison. T'en pensais quoi des graphiques? Moi, je trouvais ça correct. Je trouvais ça correct, c'est mieux que WoW. Ouais, mais là, ça, c'est pas... WoW, c'est World of Warcraft. Oh, oui, c'est ça, c'est pas trop tough à battre. Puis tu vois, avec Old Republic, que j'ai joué un peu, je trouvais ça un peu trop cartoon, on dirait. Moi, comme ça, il y a des excellents jeux, ça me fait décrocher ce genre de carte, ce genre de graphique. Mais tu sais, Mike, depuis que tu as joué à un Skyrim modé, tu es de plus en plus capricieux sur tes jeux. J'ai remarqué ça. Oui, sur les graphiques, effectivement. Mais quand le graphique cartoon colle, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je faisais Fat Princess sur PS3, moi, cartoon, ça y va, là, c'est pas un problème. Mais on dirait que dans Star Wars, on dirait que je trouve que ça colle sang. Moins. T'sais, c'est comme les règles des vidéos sur YouTube. T'sais, un jeu qui a du sang, ça va toujours être bon parce que c'est violent, puis il y a du sang. Puis quand tu vas sur YouTube, puis t'as une vidéo avec une femme avec une forte poitrine, c'est toujours bon. C'est une corrélation. Mais c'est tu vois, le jeu que Bethesda avait sorti, là, le nom m'échappe encore complètement. Vraiment axé sur le stealth là, qui est sorti un peu plus tôt cette année. Dishonored. Histoire intéressante et tout, mais on dirait que je sais pas pourquoi les graphiques, le character design m'a fait décrocher. Il faudrait trop que je m'y remette. Capricieux. Ouais, ça doit être trop ça. Capricieux. Mais bref, c'est pas grave parce que ça, c'est un MMO puis on n'est pas dans le mode justement réaliste. On est là dans l'action, un peu, quasiment dire à la hack and slash là, dans le cas des guerriers. Donc, c'est pas trop, c'est pas si mal que ça. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Là. C'est très honnête là, comme graphique. Là. Non, c'est ça, c'est très bien, puis c'est fluide. Dans le cas d'un MMO, je trouve l'important, c'est que c'est fluide. Puis ça l'est, effectivement, ça c'est bien important, puis ça l'est dans le cas de Neverwinter. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est dans l'action, on peut y aller tactique, dans le sens où je suis en train de me battre contre un monstre, quand je vais donner son coup télégraphié, ben je peux me tasser puis l'éviter son coup. Dans pas mal de RPG, l'évitement, tout, c'est déjà calculé à l'avance, c'est tour par tour, où on va cliquer, puis non, je peux bouger avec mon personnage, un des attributs du guerrier que j'ai, ben, il peut sprinter, c'est que je peux sortir de la zone d'attaque, puis les zones d'attaque sont marquées, donc on peut faire tactique, puis on peut bouger dans l'action. C'est que je trouve que ça amène un petit côté tactique lors du combat qui est plus intéressant que dans la plupart des MMO, mais c'est sûr que pour conclure un peu avec ça, malheureusement moi je pense pas jouer à ça single player. Il y a une histoire, oui, mais ça reste que faut aller attaquer ça, faut aller faire un donjon, faut aller récolter tel item en telle quantité. C'est sûr qu'il y a tout le système de crafting et tout, mais là, oh, je rappelle que tout ça est en bêta. C'est qu'il y a des races qui sont pas encore là, il y a une arborescence d'habilité puis de feats. D'habiletés supplémentaires donc qui sont pas encore disponibles en jeu, ça s'en vient tranquillement. Donc il faut leur donner ça, mais c'est gratuit en même temps. Puis pour un jeu gratuit, je trouve que pour les amateurs de RPG, MMORPG style action, ça vaut la peine d'aller télécharger ça sur les internets. Pour ma part, je donne un 7.5 épée sur 10 pour. Je pensais me dire un 7.5 donjons et dragons. Ah non, ça devient compliqué à calculer cette unité-là. Je t'en reparlerai. Donc, 7.5 épée sur 10 pour Dungeons & Dragons Neverwinter Night. Puis là, ça vient d'un gars qui trippe pas pantoute à MMORPG, mais qui a quand même apprécié et qui va rejouer en compagnie des deux frères Marquis à l'occasion comme ça, parce que c'est quand même le fun de jouer avec ses amis. On va continuer en musique, M. Castegan, avec quelle chanson des ADC Disciples? Partie de frustré. Oui, partie de frustré, une chanson à saveur politique, à saveur commentaire social que j'aime beaucoup. Vous allez entendre ça donc à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Partie politique d'enragé, de frustré. T'as mis toute ton énergie à détester les pauvres, les mendiants, les étudiants, les pas d'argent. C'est en les ignorants que tu te vois d'un monde plus grand. Partie de travailleur frustré. Passe dans ton monde, tu dis c'est comme ça que ça doit marcher. Parti de travailleur frustré. Vous devriez écouter ce que vous démonisez. T'as le discours de ceux qui t'exploitent. Le discours des rois, le discours des bourgeois. Arrête d'idolâtrer ceux qui portent la cravate. Sors de ton illusion du consommateur. Parti de jeune homme frustré. Passe dans ton monde, tu dis c'est comme ça que ça doit marcher. Parti de jeune homme frustré. Vous devez écouter ce que vous démonisez. Majorité tyrannique. Justifiée par une démocratie archaïque. Les minorités seront ignorées, voire même effacées. Par un décompte non proportionnalisé. Parti de vieillard frustré. Passe dans ton monde, tu dis c'est comme ça que ça doit marcher. Parti de vieillard frustré. Vous devriez écouter ce que vous démonisez. Car un jour, ils vont se regrouper. À leur tour, ils vont reformer un parti politique à l'image de ceux qu'ils ont détestés. Un nouveau parti de frustré sera né. Parti de militants frustrés. Passe dans ton monde, tu dis c'est comme ça que ça doit marcher. Parti de militants. vous démoniser. Car la politique, mes chers frustrés, ce n'est pas temps de vous nombriliser au sein de cette démocratie de citoyens frustrés, mais plutôt de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble. Et pour ce faire, il faut s'écouter. Sinon quoi, je me sentirai obligé de faire une chanson de musicien frustré. Pis dans ma tête, je vous assure que ça doit marcher. Chanson de musicien frustré. Vous devriez écouter le chansonnier. This is Rene. This is German. And this is Mike. We're from Revolver Games and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après chanson de frustré. Partie de frustré. Partie de frustré de Z et ses disciples. Tu seras fusillé à l'aube. Comme le veut la tradition. Exactement. Et pour terminer cette émission, mesdames et messieurs, nous allons continuer en nouvelles ludiques parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et on va y aller tout de suite avec M. Castegan et ses nouvelles. Oui. Hey, ça fait longtemps. Ça fait du bien. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nouvelles, effectivement. Donc, premièrement, comme vous avez sûrement dû remarquer dans les actualités, depuis quelques semaines, il y a comme une grosse mode chez les pirates informatiques, piratons des compagnies de jeux vidéo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et cette semaine... Et cette semaine, le heureux gagnant est... Crytek. Et oui, Crytek, qui est ceux qui... qui ont fait le jeu Crysis. Voilà. Ça n'a pas été confirmé, comme de quoi que ça aurait été un hack, mais tout semble montrer que ça le serait parce que 4 sites de la firme Crytek seraient tombés offline en même temps. Et on parle de Crytek.com, MyCryEngine.com, CryDev.net et MyCrysis.com. Et est-ce qu'on... Je vais même vérifier s'ils sont revenus en ligne. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres détails à propos de cette attaque? Non. Vu qu'ils n'ont pas confirmé, Crytek n'a pas confirmé tout ça. Non, il n'y a pas eu de... Du moins, cette semaine, ils n'ont pas fait de sortie pour dire... Yo, c'était on s'est fait pirater, changer vos mots de passe, il n'y a pas eu rien de ça. Mais leurs sites sont revenus en ligne, donc faut croire que c'était soit une panne, soit un piratage, ou soit les fameuses attaques comme Anonymous sont bien forts, là, t'es genre bombarder un serveur, j'attends qu'il tombe, là. Fait que c'est peut-être... En tout cas, il n'y a pas de partie de pirate qui s'est levée pour dire « Hey, hey, c'est nous autres! » Comme dirait notre collaborateur Pierre-Luc Pelletier, si vous avez des comptes sur ces sites-là, faites donc une petite mise à jour de votre mot de passe tout de suite. Pourquoi pas, soyons un peu paranoïaques. Et voilà, donc une petite nouvelle au niveau de Crytek. Autre nouvelle, M. Castegan. On va parler un peu de Sony, qui ont commencé à sortir quelques nouvelles. En fait, premièrement, il y a le Tokyo Game Show qui s'approche... Dangereusement. Dangereusement, on parle du mois de septembre. Et Sony ont sorti la date de leur conférence au Tokyo Game Show avec le titre « Le monde créé par la PlayStation 4 ». Donc, vous comprendrez que ça va être une conférence exclusivement sur la PlayStation 4. Donc, faut s'attendre à une date de sortie et plus de détails au niveau de qu'est-ce que va contenir la boîte de lancement. Et aussi, j'imagine, plus de titres qui seront disponibles au lancement de la machine. Exactement, mais on va faire une transition vers une autre nouvelle en lien avec ça. Quand je disais, on va peut-être être au courant de qu'est-ce qui vient avec la boîte de cette console-là, il y a une rumeur disant qu'au lancement de la PS4, Sony se ferait un bundle PS4 Vita à 500$. 500$? 500$. C'est quand même assez intéressant comme prix. Mais est-ce que c'est une rumeur? Pas de confirmation? C'est une rumeur. Premièrement, Pierre-Luc Pelletier vient d'écrire quelque chose. L'affaire d'Anonymous, là, quand on parlait de Crytek, on appelle ça un Distributed Denial of Service, abrégé DDoS. Oh, mais merci, Pierre-Luc, qui est en ligne et qui écoute l'émission présentement en direct des vieux pays. Merci pour cette précision. Oui, je viens d'y envoyer par la magie de l'Internet. Et voilà. Donc, c'est ça au niveau du bundle... C'est Inside Gaming Daily, dans le fond, qui a sorti la rumeur, qui disent que... Tu sais, Sony ont confirmé que ça serait... Tu sais, que la PS Vita va être un compagnon à la PlayStation 4. Et ils ont dit qu'il y a eu une source fiable. Notez... vous le voyez pas, mais j'ai fait un jet de guillemets. Oui, c'est ça. Pour dire fiable, comme de quoi que Sony aurait l'intention de commercialiser ce bundle-là au lancement de la console. Qu'est-ce qui serait quand même bien, parce que la PS Vita, elle a un petit peu de misère en Amérique du Nord. Puis donc... en plus, on n'arrête pas de nous vendre les compatibilités, la complémentarité qu'aura la Vita avec Avec la PlayStation 4, donc c'est sûr que ce serait un beau coup commercial de le faire, surtout à 500$, ça pourrait valoir la peine. Et sinon, des petites nouvelles en rafale. Premièrement, lors du E3, il y avait eu l'annonce de Super Smash Bros. Pour la Wii. Wii U et 3DS. Dans le fond, on avait eu quelques personnages qui ont été annoncés, dont des vieux de la vieille, que on s'entend, là, Link, le Mario, c'est un peu... On s'y attendait, là. Évidemment. Dont on a eu aussi la nouvelle pour Mega Man, la fille de Wii U Fitness, là, tu sais, qui permet... Wii Fit Trainer. Wii Fit Trainer. Après ça, il y a eu le Villager de Animal Crossing. Et là, il y a eu, dans les vieux de la vieille, qui n'était pas annoncé encore, Luigi, qui annonce son retour pour les fans du personnage maladroit. Parce qu'il était dans quel autre titre de Smash Bros.? Il était dans Brawl, me semble, puis il était aussi dans Melee. En fait, d'accord. Il a pas mal tout le temps été là, en fait. OK. C'est juste que s'ils prennent la peine de l'annoncer, c'est probablement parce qu'ils vont revoir sa jouabilité en fonction des derniers jeux qu'il est mis dedans. Moi, personnellement, je connais bien du monde qui ont joué à ces magnifiques jeux de combat. Pas grand monde que je connais qui joue avec Luigi. Non, il est pas facile à jouer. Sinon, là, le monde va crier « Ah! » Half-Life 3 annoncé, Left 4 Dead 3, je sais que 3 dans le chiffre, mais c'est pas pour Half-Life 3, donc calmez-vous. En fait, il y aurait des sources proches de Valve qui confirment qu'il y aurait un Left 4 Dead 3 qui serait en développement, mesdames et messieurs. Oh yes! Dont une image ici que je vois d'un écran d'ordinateur avec des lignes de code. Diantre, ça c'est de la preuve. C'est de la preuve. On sait pas d'où que ça vient, on sait pas c'est quoi les lignes de code parce que la photo est pas assez claire, mais paraîtrait... que d'après les confrères de juve2.com, Rock Paper Shotgun, que c'est une source fiable et que c'est une photo leakée du studio de Valve et que ça serait des preuves irréfutables. En tout cas, moi, je sais pas si c'est effectivement vrai, mais moi, gros fan de la franchise Left 4 Dead. D'ailleurs, j'ai juste hâte que Andrew retrouve son PC et qu'on puisse s'y remettre pour aller tuer du zombie en grosse quantité. C'est un excellent, en tout cas, je le redis, excellent FPS et excellent jeu de zombies. C'est sûr qu'on n'est pas dans le survival, on est plus dans l'action. On est dans les hordes et les hordes de zombies. C'est pas réaliste parce qu'on se fait taper tout plein puis on se fait pas infecter. Mais excellent jeu. On fait le saut, adrénaline, ça tire de partout. Il y a de l'action. Puis souvent, c'est un des jeux qui venait très souvent en spécial sur Steam en plus. Donc, surveillez ça. Puis si vous l'avez pas, allez vous chercher ça tout de suite. Allez vous chercher le 2. Ça vaut la peine. Peut-être laisser tomber le 1, là, mais allez vous chercher directement le 2 puis allez jouer et tuer d'innombrables. De toute façon, les cartes du 1 ont été remasterisées, ouais, pour le 2, de toute façon. De toute façon. Prenez le 2. Voilà. Sinon, Bethesda, si vous êtes propriétaire de Wii U, Bethesda n'a pas de jeu en vue pour la Wii U, malgré les annonces de Elder Scrolls Online, Wolfenstein, The New Order, puis de Evil Within et Skyrim et tous les cossins de ce monde. Ils n'ont pas de version prévue pour la Wii U. Non, parce qu'ils disent que le hardware, il est pas bon. Fait qu'ils disent, on développe pas sur du mauvais hardware. Bethesda sont assez chialeux, en fait. Sur justement les hardware, quand ils doivent faire un portage sur une console. On se rappelle de Sony, hein, combien de temps ça a pris avant que les gens qui avaient Skyrim sur PlayStation 3 puissent avoir les DLC. Ça a vraiment pris du temps. Est-ce qu'il y aurait des gens qui sont incompétents chez Bethesda ou seulement parce que ça ne leur tente pas de faire des versions moins bonnes dans leur jeu? Ou... J'en ai aucune idée. La question est lancée, mais de toute façon, moi, ça m'étonne pas vraiment. Je m'attendais pas vraiment à avoir des versions Wii U des jeux de Bethesda. Je me dis, le jour où ça va arriver, c'est quand les jeux qu'ils vont faire sur PS3 vont arrêter de bugger. Ah, peut-être bien. Mais il faut dire qu'il y aurait eu quand même une bonne... Non, excuse-moi, quand les versions PC vont arrêter d'avoir des bugs et qu'il faut que des modeurs sortent des patchs non officiels aux jeux. Ouais, ça a fait une chance qu'il y ait la communauté de... Parce qu'il faut rien enlever à Bethesda, ils font des excellents jeux. C'est juste que des fois ça sort un peu rapidement avec plein de bugs et Skyrim. En fait, je me demande s'il y a une équipe de testeurs. C'est surtout ça, je me demande. Sûrement. Sûrement, c'est juste que. Peut-être pas super efficace. Fournissez-leur le café. Ah, ben oui, ce serait une bonne. Dernière nouvelle. Oui, allons-y. Toute dernière. PD2, qui est à une semaine de la sortie, sort la semaine prochaine. Donc, PD The Heist, de la série de jeux de cambriolage. Extrêmement dur. Assez difficile, merci. Il est déjà rentable. Oui, le 2 qui sort la semaine prochaine, comme tu disais, puis à cause des préventes. Oui, exactement. Les précommandes effectuées auront suffi à couvrir les frais engagés pour le développement du jeu. Mais c'est un jeu difficile, mais quand même très intéressant à jouer. Ça fait changement des jeux de first-person shooter auxquels on est habitué. Puis c'est un jeu qui est développé avec le engine de Left 4 Dead. Ouais, donc ça a ben, le graphique a bien de l'allure. On est dans une autre sorte d'action, justement dans Left 4 Dead puis dans PD. On change vraiment l'action du FPS. C'est vraiment intéressant. On n'est pas dans le gros militaire. Dans PD, si on joue des cambrioleurs, donc tactique à mort. Il faut une excellente coordination des joueurs avec qui vous êtes. Et comme le veut la tradition, ben l'intelligence artificielle de vos alliés, si vous jouez avec l'ordinateur et pas avec des compagnons multijoueurs, c'est de la merde. On va le dire comme ça, ils sont vraiment pas bons. Puis souvent, ils se font tuer parce qu'ils restent pognés à une place, puis ils te suivent pas, ou ils t'assistent pas de la bonne façon. La seule affaire pour laquelle ils sont bonnes, c'est venir te ressusciter quand t'es tombé, malgré le fait qu'ils vont se faire descendre. C'est un suicide total. C'est la seule raison qui vaut des fois le fait d'en avoir un. Mais même à là, c'est vraiment ridicule. J'espère qu'ils vont avoir corrigé ça un peu dans la deuxième version, le deuxième titre de la franchise, parce que dans le 1, c'était assez pénible à vivre. Sinon, si le jeu vous intéresse, disponible sur Steam à 29,99 et vous avez l'édition avec tout plein de DLC qui vient avec, donc dans le fond, un peu comme un Season Pass qui vous donne tout plein d'affaires que vous avez le droit avant tout le monde. 49,99, évidemment disponible en pack spécial si vous voulez 4 licences, donc 89,99 pour la version normale, 149,99 pour la version collectionneur. Donc, ça revient un peu moins cher, puis ça vaut la peine si justement vous avez des amis pour aller vous chercher ça, ce petit jeu-là. Ça vaut vraiment la peine. N'importe quelle édition que vous voulez, là, 39,99 de base, c'est très honnête. 29,99 en plus. Pour une nouveauté, là. C'est plus qu'honnête pour le. Vous allez voir, il y a l'amateur de FPS qui vous voulez justement sortir du militaire, là, du flag ou tout, là. Vous allez vous faire beaucoup, beaucoup de fun avec PD. Allez vous chercher ça. Ça s'en vient pour le 2. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale, malheureusement. Et ça a été une autre grosse émission. Je voudrais remercier M. Castegan d'avoir été là, comme à son habitude. Merci, Andrew. C'est un plaisir. Je ne m'attarderai pas à faire la discussion de clôture. J'ai des pubs à programmer. C'est bon. Et mon nom, moi, est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos anciennes émissions sur notre site. Allez chercher les entrevues podcasts également et lire les nouvelles. Allez sur Facebook, nous chercher Puissance Maximale dans la barre de recherche. Très facile. Allez appuyer sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et cela vous permet d'avoir les nouvelles à propos de l'émission le plus rapidement possible grâce à Facebook. Et comme à chaque semaine, on vous souhaite une excellente semaine de jeu. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's D&D. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we. Two, three, four, yeah!